le père qui m'a toujours aimé. Dis-moi pourquoi ça a changé alors qu'au fond je suis le même. Oh oui, toi, le père qui m'a toujours aidé. Dis-moi ce qui peut te déranger dans le fait que ce soit les hommes que j'aime. Après tout, ce n'est pas comme si j'avais choisi. Et puis, ce n'est pas une maladie. Ça ne fait pas de moi une autre personne. M'as-tu mis au monde seulement pour que je te copie? Tu sais, l'enfant parfait n'est qu'utopie. Je pensais que tu m'aimais, pourtant tu m'abandonnes. Dis-moi, est-ce vraiment de ma faute si je ne suis pas comme les autres? Enfin, du moins pour toi. Le père que j'ai tant exemplé, dis-moi pourquoi suis-je exempté de connaître le bonheur à ma manière. Oh oui, toi, le père, j'ai toujours écouté. Dis-moi pourquoi suis-je rejeté seulement parce que de moi tu n'es plus fier. Je ne te demande pas de m'imaginer au lit, seulement de me laisser vivre ma vie. Je ne suis pas devenu différent, non. Ce n'est pas à cause de ton éducation si je suis attiré par les garçons, mais je suis resterai ton enfant. Tu regretteras, mais sache que je t'aimerai toujours, papa.